voir l'intégration ido-nazi véhiculée par un homme présentable. À moi ma nation et celle de mes colons. Pour nous un merdier tel une colombe, certains veulent tuer la blanche colombe. Car le destin semble plus noir qu'avant, essayer de voir à travers les yeux d'un enfant noir du nouveau monde. Ne serait-ce qu'une poignée de secondes, faire face à des cagoules blanches, préférant affronter quatre planches. Choisis ton camp, choisis ton camp. Le mot est lâché, le mot est lâché. La division qui construit ma rage et celle beaucoup de filles cachées. Que Dieu pardonne ceux qui pressent la gâchette, canon pointé sur la tête, ceux qui jettent par les fenêtres, ceux qui regardent par la fenêtre leurs voisins du Maghreb, disant si lui sache nec, pourraient-ils pas tous crever dans leur bled. Dans les plaidoiries des ports racistes, car nous concrets pendant ce temps, les minorités peuvent souffrir en paix. Alors que les autorités troquent la paix contre un empire. T'inquiète, fils, c'est juste une question de fric au pire. C'est les métèques et les pougnoules qui vont subir. Et si t'adhères à l'extrême droite, j'irai pas te jeter la pierre. Chacun sa vie, tous la même terre. Ici on alterne pour et victimes sans changer les boucs émissaires. Mais on panique en appel, puis tout c'est là ça. En plus, pensant à Timon en moi, j'ai vraiment force pour faire bon choix. Kilo chez les cochers, ni à Timon, nous nous est à Bobo à la nous France, Ma rime sur ce titre écrite au stylo bleu marine. Pour les noirs, blanc crème, café ou jaune, détesté par Marine. Les petits Le Pen, t'aimes pas les gars comme moi. Parce que mon pote s'appelle Mehdi du genre, il est pas né comme moi ou quoi. Espèce de bâtard croisé à la française, il croit que le monde lui appartient. Faudrait que les miens se taisent, nous on te baisse. La flamme au drapeau bleu, blanc, rouge nous allume. La presse, c'est nos cités, c'est Sarko qui l'allume. Faudrait qu'on fasse la politique au karcher. Pour éteindre l'incendie, trop d'incidents, faut quelqu'un d'autre. C'est difficile, aucun n'est compétent. Ils sont tous corrompus et font de la politique en complotant. Méro dérange, depuis longtemps c'est pas nouveau. Exclu du système, couleur de peau, bronzé, pas de boulot. Médaille de bronze et d'or dans beaucoup de sports. Rien à foutre, le FN rallume la flamme, préfère les voir dehors. Hardcore. Ils ont colonisé l'Afrique, ils vont virer tout mais qu'un free. Maintenant qu'ils ont pillé leur fric. Et rien ne s'arrange, tout se dégrade au contraire. Mirage de guerre, c'est chacun pour sa gueule en solo peu solitaire. Avec les nations africaines, on laisse la misère se propager dans une ambiance amère à l'américaine. Trop de mépris, trop de peine, trop de thèmes. Pour un récit antifasciste, frérot, c'est ça que t'aimes. Antillais, nouillés, nous qu'a arrêté. Esclavage, capité, tête moins. Trop de discrimination, pas qu'à passer qu'on fasciste ou pas qu'à aimer. Pour moi, coloris, origine, pas qu'à exister. Parce que ces mêmes termes, nous qu'a vini, nous qu'a partagé. Égalité, fraternité, liberté, yo, j'a oublié. Faut nous tous, j'aime nous, j'ai moi, j'a parlé assez.